Exercice 3. Hey, salut! Salut Elodie! Ça va? Ouais. Dis-moi Florence, tu sais que je fais une fête le 17? Oui. Eh ben, je voulais savoir si tu pouvais m'aider un peu, parce que mes parents seront partis et je crois que toute seule, je vais pas y arriver. Ouais, bien sûr, tu veux faire quoi? J'avais pensé à une soirée années 60. Ah, génial! J'ai des vêtements super que ma mère portait à cette époque. Ah ouais? T'aurais quelque chose pour moi? Pour toi? Oui. J'ai une robe géniale, blanche avec des motifs indiens. Waouh, trop bien! Et qu'est-ce qu'on pourrait manger? Ben, des trucs de type indien, justement. Tu sais, avec du riz, des trucs avec plein de légumes et de fruits. Et puis des sauces au yaourt et du pain indien. Et puis aussi des brochettes de viande. Ouais, mais alors là, pour les recettes, moi, je sais rien. On peut regarder sur Internet. Ah bah ouais, t'as raison. Tu viens chez moi et on regarde ça? Ok, d'accord.